Page 121. Exercice 4. 1. Violaine ne fera rien pour m'aider. Au contraire, si elle peut me gêner et m'empêcher d'avancer, elle le fera. 2. Nathalie est dans une situation délicate. Elle est entre ses supérieurs hiérarchiques qui lui demandent de faire des économies et ses salariés qui veulent une augmentation. 3. Maud a toujours de la chance. Quoi qu'elle entreprenne, elle réussit. 4. Nous pensions que nos vieux parents devraient se faire aider et, à notre grande surprise, ils ont tout de suite accepté. 5. Yasmina a décidé de conduire alors qu'elle a une mauvaise vue. C'est vraiment dangereux. Elle risque de provoquer un accident. 6. Cette réunion a été complètement inutile. Aucun des sujets importants n'a été abordé. 7. Oh là là, j'ai eu une de ces peurs. J'ai appris qu'un violeur se promenait dans le quartier et qu'il avait été arrêté quelques minutes avant que je n'arrive ici.